Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 5, colonne 1. Springfield, Massachusetts. Une nouvelle école primaire vient d'être ouverte au couvent lundi dernier, avec 670 élèves, ce qui aura pour conséquence la diminution de la fréquentation des écoles publiques. Charles Bowen, ancien citoyen respectable de Adams, est tombé mort mardi matin en se rendant à table pour déjeuner. Il était âgé de 82 ans. Les écoles catholiques de Holyoke s'ouvriront lundi prochain. Un feu, lundi dernier, dans les prairies de la rivière Sudbury, a brûlé environ 75 acres de terre en herbe et 25 acres de marais où l'on cueillait des canneberges. Un grand nombre de personnes se sont rendues sur les lieux pour combattre l'élément destructeur et c'est avec beaucoup de peine qu'il a été possible de réussir. John Nuttall, âgé de 66 ans, peintre en bâtiment, est tombé d'un échafaud lundi après dîner et a reçu des blessures graves. On n'a aucune nouvelle de Mason, l'homme de l'Express qui manque à son poste. Sa femme est partie avec ses meubles de ménage de Hartford et l'on croit qu'elle est allée rejoindre son mari dans un coin quelconque des États-Unis pour recommencer une nouvelle vie. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.